bon, mais intelligemment. Autrement dit, il va s'organiser pour que sa vie à lui grandisse à travers cette bonté-là. Sinon, il perd l'énergie. Sinon, à ce moment-là, il est régi par les lois de la race. Fait que si tu bouddhiste, bon, tu vas être dans le bon du bouddhiste, si tu es judéo-chrétien, tu vas être dans le bon du judéo-chrétien, si tu es arabe, tu vas être islamique, tu vas être bon dans le courant de la pensée islamique. Et un jour, l'homme doit l'arriver à être intelligent d'abord. C'est suprême, être intelligent. C'est fondamental, être intelligent. Le reste, être bon, pas bon, sain, pas sain, charitable, pas charitable, toutes les valeurs que chaque société, chaque église, chaque religion a développé pour l'édification de ses propres structures, de son propre patrimoine, de son propre pouvoir sur la terre. C'est secondaire à l'intelligence de l'homme. Maman, on est toujours bon en fonction d'un système d'éducation ou d'une expérience de vie qu'on a. Donc, techniquement, on a toujours les pensées qui vont en relation avec une finalité. On va être bon pour finir d'une certaine façon. Vous me dites, vous, les gens vivent de l'inconscience. Bon, c'est vrai qu'on vit de l'inconscience parce qu'on veut être selon une finalité. On veut mourir pour une raison quelconque. T'sais. Vous changez les paramètres d'être bon, ces choses-là, mais il faudrait changer a priori la finalité. Pourquoi faudrait être fusionné? Qu'est-ce qu'ils veulent, les autres, qui est temps qu'on soit à la fin de notre vie? La fusion, c'est pas de la souffrance. La fusion, ça fait partie de l'évolution de l'homme. L'humanité va fusionner, elle est au cours des siècles. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la descente de l'énergie en la matière. Ça va faire quoi? Ça va créer un autre niveau de conscience, un autre niveau de civilisation, un autre niveau de déplacement de la conscience astrale après la mort. Ça fait partie de l'évolution. Okay. L'homme ne peut pas indéfiniment être un mal assiégé. Équilibre. Fait que l'objectif, c'est l'équilibre. C'est ça? Non. Équilibre, ça fait partie de l'évolution des systèmes de vie sur la Terre ou dans les étoiles. Éclipse, ça veut dire, éclipse. C'est tout ce que ça veut dire, éclipse. Vous êtes venu au monde, vous n'avez pas de finalité à atteindre. Parce que dans toutes les religions, ils voulaient vous emmener au ciel, ils voulaient vous emmener au nirvana, ils voulaient vous emmener. Il faut toujours vivre d'une certaine façon, penser d'une certaine façon, pour arriver à un X résultat. Ouais, mais ça fait partie du pouvoir des religions. Ok, non, c'est pas ça. Je suis bien d'accord avec vous, là, il faut pas vivre ça, là. Mais, si on ne vit pas ça, c'est-à-dire d'avoir une finalité comme les religions nous ont donné, c'est quoi la finalité des plans pour nous autres? Pourquoi ils ne font pas penser? Pourquoi ils ne veulent pas qu'on... Ben, ils ne font pas penser. Qui nous amène à être mis en situation, nous fusionner, c'est la pensée vient des plans. Toute pensée vient des plans. L'homme ne reconnaît pas ça. L'homme pense que la pensée a vient des plans. C'est pas ça que ma question. Ma question que je veux savoir, c'est pourquoi ils nous ont fusionné, pourquoi ils nous fusionnent, pourquoi ils nous empêchent de vivre une vie en relation avec l'éducation et la formation qu'on a vécue. Pourquoi ils veulent s'embarquer ça? C'est pas un chambardement, c'est la partie de l'évolution. Je comprends, mais pour nous comment voulez-vous que l'homme connaisse les lois de l'évolution, les lois de vie, les lois de l'invisible, les lois intégrales? Non, hein? S'il n'y a pas de conscience supérieure, s'il n'y a pas de conscience objective, s'il n'y a pas de communication avec des têtes, sans dire de matériel. Je formule ma question. Vous ne vous posez pas de questions sur l'avenir. On est d'accord là-dessus? Oui. Vous n'êtes pas intéressé à savoir pourquoi on vous a fusionné. Vous faites ce que vous avez à faire. OK? C'est ça que ça dégage, en tout cas. Nous autres, on se pose la question, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? On se pose la question, pourquoi on vient au monde? On veut savoir, quand on va mourir, où est-ce qu'on s'en va? Bon, oui, mais si vous vous posez ces questions-là, parce que vous pensez, ben, c'est ça que je vous dis, là. Si vous ne pensez pas, vous n'aurez pas ces questions-là. Je suis d'accord avec vous. C'est pas le fait, là. J'essaie juste de le comprendre. Je me dis, qu'est-ce que les... Je ne demande pas à vous, là. Je demande, qu'est-ce que les plans veulent faire avec du monde qui ne s'occuperont pas de ça, de l'avenir, ces choses-là. C'est pas ce que les plans veulent faire. Les plans font partie de l'évolution historique de l'humanité. Vous ne pouvez pas dissocier, vous pouvez donner n'importe quel nom à votre source. Vous pouvez appeler ça Dieu, vous pouvez appeler ça votre ange gardien, vous pouvez appeler ça votre archange, vous pouvez appeler ça votre doute. Et c'est totalement relatif, ça. Mais vous ne pouvez pas dissocier le fait

Hein, parce que ça oblige l'individu à croire tout le temps. Ça oblige l'individu à croire, ça oblige l'individu à se développer des référents, ça oblige l'individu à se projeter. Donc, ça coupe le contact avec le mental. Mais ça veut dire que toute forme de questionnement sur ses origines ou sur sa finalité, c'est en soi une forme d'insécurité qui nous empêche. Toute forme de questionnement sur ses origines, à quel niveau que ce soit, ça fait partie du besoin de l'ego dans une matérialité, dans une corporalité, de s'instituer en tant que finalité. Mais c'est pas en tant qu'ego incorporé ou incarné que s'institue la finalité. C'est en tant qu'un humain qui passe d'un temps à un autre, qui récupère l'âme, autrement dit, qui élimine le périsprit, puis qui fusionne avec l'âme pour donner avec l'ego, finalement, une identité intégrale. On s'inquiète tellement de travail qu'on n'est pas capable de traiter maintenant avec les éléments qui nous coûtent de notre avenir. Qui nous coupe de notre avenir. Qui nous sépare de notre avenir. Notre avenir, ça appartient intégral de notre développement. Et oui. Le problème entre nous autres, notre avenir, c'est pas notre avenir, c'est la façon qu'on pense. C'est ça. C'est comment on traite avec les mémoires qui nous fait suivre. C'est comment on traite avec les mémoires qui nous fait suivre. Comment on traite avec le futur. C'est la même chose. Il y a un problème. Oui, il y a un problème. Que tu sois un Indien, que tu sois un Arabe, que tu sois un Juif, que tu sois catholique, c'est la façon qu'on traite, qu'on soit Irlandais, Italien, comment est-ce qu'on traite avec nos mémoires? OK. D'abord, on est dans une société que quand quelqu'un dispose d'une certitude, il y en a un qui est sûr, puis il y en a 45 qui sont déçus. Qu'est-ce qui se passe? Celui qui est sûr ne pense pas, puis les autres pensent à sa place? Celui qui est sûr. Des hommes qui sont sûrs, il n'y a pas gros. Ben, en tout cas, on en regarde aller, ils ont l'air convaincus. Ah, ouais, c'est ça, c'est l'opérance, ça. C'est l'identité fictive, l'identité sur l'opérance. Tu sais, moi, j'ai rencontré un type la semaine passée, là, qui suit un homme qui est très connu sur la Terre, là, un grand madame de l'air. Puis, il suit depuis des années, là. Puis, pour une raison ou une autre, je suis allé manger avec lui. Puis, quand il est sorti du restaurant, c'était fini, hein. Fait que c'est quoi la sécurité, là? Il va vous suivre? Non, il ne suivra pas. Ben, moi, c'est no fucking way, là. Je veux dire. Mais j'ai bien fait comprendre qu'un jour, il y a des gens qui ont une certaine certitude, comme moi, par exemple. OK, pas pareil, ça prend une certitude pour parler. Mais, pour que l'homme en arrive à sa réalité, à son identité, pour qu'il rentre dans sa propre certitude. Comment ça fait des années qu'on se calme, nous autres, là? Hein? 15. 15 ans, là? C'est pas possible, hein? Pas encore. Non. Je parle, on communique, ouais. On parle, j'interprète, j'ajuste, et vous restez toujours dans votre identité, hein? Le nord de Montréal, pour vous, il est bien fait, mais c'est ça arrête là, hein? Ben, il est bien fait. Bon, il est bien fait. Je veux pas que ça arrête là, pareil. Oui, je crois que c'est pas bien. Bon, mais quand le monde adoptera ça, ouais. Cette position-là, par rapport à des gens comme moi qui sont sûrs, vous pouvez dire une haute vibration, à ce moment-là, là, les gens pourront s'en aller puis gravité d'entendre vers leur propre certitude. Fait qu'à ce moment-là, il y aura des gens qui se rapprocheront de vous, par exemple, qui pourront parler avec moi, qui vivent le même genre de relation humaine, mentale, intelligente, sans qu'il y ait des hiérarchies, qu'il y ait de maître, qu'il y ait de ci, qu'il y ait de ça. C'est pour ça que je parle, quand je parle de certitude basée sur, non pas la dysfonctionnalité de l'identité, mais sur une réelle identité. C'est quoi ça? La réelle identité, mon cher, c'est du temps. Ça fait réellement partie de la fusion. C'est un individu qui ne pense pas. Plus l'homme, moins l'homme pense, plus dans son énergie, plus une conscience vibratoire, moins il réfléchit, plus il analyse, plus il étudie, plus il est dans sa fusion. Plus dans son identité, plus réel, dans le sens d'intégral. Bon, les gens qu'on rencontre. À ce moment-là, s'ils rencontrent du monde dans le monde, des différences de ta vie, il est capable de vivre avec. Il est capable de voir la relativité des valeurs. Mais lui, il reste toujours dans le secret de sa vision, c'est-à-dire sa capacité de ne pas interpréter le phénomène humain, mais de savoir le phénomène humain. Puis s'il y a une femme, il a pas sauté parce que ça fait partie de sa fusion.

ce que je parle là, c'est un principe. Mm-hmm. En fait, vous expliquez comme la gravité pour les scientifiques, il va dire, bon, la gravité, c'est ça. Ça a telle composante. Bon, un principe, pour vous, c'est de la science, c'est pas de la foi. Non, non, c'est de la foi. Pour vous, c'est juste la science. OK. Bon, mais tout le monde a accès à cette science-là, sous quelles conditions? Tu penses pas trop. Bon, OK, je pose ma question différemment. Qu'est-ce qu'il faut pour penser? Il faut se débarrasser de l'ancienne science pour laisser passer la nouvelle? Non. Vous pouvez pas penser de même. Vous pouvez pas penser pour penser. Vous pensez, vous êtes fait pour penser, vous êtes structuré psychologiquement, psychiquement pour penser. Sinon, c'est pas tout ça qu'il faut vous occuper. Il faut que vous sachiez que la pensée vient d'ailleurs. Ça, c'est vrai. Mm-hmm. Ça se touche pas, ça. Ouais, ça, c'est une science. C'est une science. Ouais. Le plan de la pensée derrière. Bon. C'est des initiés qui plavent, là, bon, OK. Bon. Après ça, là, une fois que c'est établi, ça, que la pensée vient d'ailleurs, après ça, de regarder ce qui se passe dans votre tête. Mais là, vous n'allez pas croire. Ça, c'est un film. Non, c'est que regardez ce qui se passe dans votre tête. Oui. En regardant ce qui se passe dans votre tête, éventuellement, vous allez voir qu'effectivement, la pensée vient derrière parce qu'elle se modifie, la pensée. OK. Un jour, quelque part, ben, dans ta tête, tu vas entendre bon, bonjour, Bablard, comment ça va? C'est pas l'ego là, qui se parle de même. Non, non, je comprends. Au début, tu vas penser que tu joues des games, là, ben, éventuellement, tu vas voir que, hop, là, il y a une communication quelque part avec un autre qui s'est étranger à ta conscience, subjective. C'est comme ça que ça commence. Quelque part, ça va se faire, cette réalisation-là. Mais si l'homme sait pas que la pensée est meilleure, si l'homme sait pas que la fondamentale de la conscience expérimentale sur la Terre est régie par le voile de ceci. Mm-hmm. Parce que ça, c'est la grande clé de l'évolution, ça, savoir ça. À ce moment-là, comment voulez-vous que l'homme en arrive à avoir d'identité? C'est-tu nous autres qui roulent ou c'est nous autres? C'est nous autres. C'est eux autres. Donc, on ne peut pas rien faire. Ben oui, ça vient toujours d'ailleurs. Okay. C'est un état de grâce qu'on a. C'est pas un état de grâce, c'est un état de conscience. Un état de conscience. Grâce, c'est à voir vos pensées. C'est une caricature en blasé que ça sert à rien de chercher. Non, c'est pas des caricatures, il y a bien du monde qui passe dans un état de grâce. T'sais. On fait à ce moment-là, mais tu fais un cercle. C'est pas ça que je voulais dire. Non, c'est ça qui découle. C'est comme ça que le monde pense. OK. Vous rajoutez le fait que, bon, une fois qu'on est identifié, c'est pas nous autres qui pensent, vous rajoutez le fait qu'il ne faut pas croire. Parce qu'il y a des pensées. Il ne faut pas croire pour un certain nombre de raisons. Pour en arriver à croire, là, intérieurement, mentalement, il faut avoir beaucoup, beaucoup de discernement. Il faut être très difficile. Il faut réellement connaître la vie. Mm-hmm. Ça prend un certain nombre d'années pour connaître. Mais l'homme, pour le moment, doit se protéger. Comme le contact est tel, donc ne doit pas croire. Pourquoi? Parce que c'est encore astral. OK. Quand tu commences à vivre un contact intérieur, t'es astral, t'es astral, tu vas voir, ça marche, tu vas avoir de la voyance, es-tu capable de me dire des numéros de chiffres? On est réellement banal, tu sais. Puis, l'homme ne peut pas se permettre de croire parce que croire, ça fait partie de son talent de chiffres. La croyance, elle est 100% responsable pour l'ignorance de l'humanité sur la terre. Mm-hmm. À tous les niveaux. Encore là, on veut croire parce qu'on veut un résultat. On veut croire parce qu'on est insécure, on n'a pas d'identité. Ouais, ouais. Ça se connecte pas. Fait que si on en vient, parce qu'à un moment donné, quand le contact se fait, il nous inonde l'information. On n'en dort pas la nuit. On est inondé d'informations. Puis c'est, des fois, c'est intéressant. T'as pas besoin d'écouter CNN, là. Tu l'as en direct, puis dans ta tête. C'est vraiment plaqué. Vous dites qu'il ne faut pas croire, mais qu'est-ce que vous faites avec du matériel qui est bien intéressant? Tu sais, là, c'est majeur, là. Tu faut croire. Faut jamais croire. Ouais, mais c'est intéressant. Jamais croire. Puis c'est intéressant, puis ça a l'air d'être réel. Ouais, ils vont vous tester, ça. Ils vont toujours vous tester. Ça, parce que tu connais l'homme. Ils connaissent chaque individu. Fait que si moindrement l'homme a une faiblesse, ils en vont sortir. Fait qu'ils nous envoient la science de nos faiblesses. Ils nous envoient la science. Ils envoient toujours la science de vos faiblesses à travers vos pensées. Vos pensées sont la comptabilité de vos faiblesses. Regardez comment est-ce que vous pensez, vous allez avoir toute la comptabilité de vos faiblesses. Fait que s'ils rentrent là-dedans, on vit des initiations. OK. Bon, on reçoit cette information-là, on ne croit pas. Mais c'est drôle, hein, quand on ne croit pas, les informations qu'ils nous donnent, ils sont vraies.

c'est plus facile de la contrôler pour nous autres seuls que de la contrôler pour les autres. Pourquoi? Parce qu'on se donne de l'importance dans notre science. C'est pas à cause que deux canaux? Non. C'est parce qu'on se donne de l'importance dans notre science. Un homme qui est en conscience vibratoire, moindrement, là, tu sais, quand t'es en conscience, là, je vous donne un contexte. Supposons, là, que vous fâchez d'une situation, là. Vous avez réellement raison, vous fâchez, là. Mm-hmm. C'est très dur de vous dépocher. Ben, moi, ça fait longtemps, j'ai pas fâché, là, moi. D'accord. Quand tu te fâches, c'est dans un mouvement de travail qui descend. Boum, boum, boum, boum. C'est dur de te désengager, boum, de fermer ça net. Pourquoi? Parce que l'énergie en descendant, elle électrifie ton système nerveux. Puis en électrifiant ton système nerveux, elle donne une adrénaline. En te donnant une adrénaline, elle crée dans ton centre émotionnel une perception de présence. Ça, ça monte ensuite au mental, qui confirme ça. Ça, ça gèle. Fait que t'es pris là-dedans, là, pour jouer ce théâtre-là pendant un certain nombre de minutes. Tandis qu'un homme qui sera réellement conscient, mais il sera capable de contrôler ça, cette énergie-là. In and out, off and on. Vite. Parce qu'il est présent là? Parce qu'il est présent là, avant d'être présent ici. Il est présent là, mais pas à l'autre. Il est présent là, okay. Dans ta tête. Ok, ok, ok. Autrement dit, quand tu es conscient, tu ne veux pas être manipulé. Tu es anti-manipulation. Fait que si tu vis une vibration très forte, tu ne veux pas être manipulé. Ok. Tu vas contrôler. Fait que si tu es obligé de donner la main à l'autre, tu y donnes, mais tu en donnes pour 2 minutes, puis tu retires. Tu fais un travail temporaire d'évolution, si tu veux. Bon, mais qu'est-ce qui fait la dose, là? C'est la dose, c'est ta maturité. Ta maturité, ta lucidité, ta maturité. Oui, mais si vous ne voulez pas être manipulé, là, la dose, c'est pas pour l'autre, c'est pour vous. Là. Si tu ne veux pas être manipulé, c'est toi qui contrôles ton énergie puis tu donnes à l'autre la dose que toi, tu décides. Tu décides, mais le contrôle de la dose, c'est toi qui se passe pour eux autres en haut. Donc, c'est tout ça mental, là. Ils sont loin de ça. Faut que je comprenne de quoi. Si je suis mis en vibration pour vivre une colère, j'ai pas le contrôle là-dessus. Là. Je suis mis en vibration. Si tu es mis en vibration pour vivre une colère, tu vis de l'âme. Pas de l'esprit. Bon, vous avez souvent dit qu'il faut une colère pour se mettre en mouvement ou pour briser une manipulation de l'énergie astrale, il faut que ton esprit soit en contrôle. Ok. Ça, c'est un gars comme toi qui est en colère, tu vas causer toute ta maison. Bon, mais vous pouvez être en colère. Ça, c'est le mandat. Il n'y a pas d'émotion là-dedans. Ah ouais. C'est le mandat. Bon, ben, un homme qui. Bon, ça fait partie de contrôler tes énergies. Que tu contrôles tes énergies pour faire l'hiver ou que tu contrôles tes énergies pour le retenir, c'est la même affaire. Ouais. Tandis que l'homme, lui, quand il vit une descente d'énergie, c'est ses émotions qui rentrent en jeu. Fait qu'à ce moment-là, il ne contrôle plus. Mm. C'est l'énergie qu'il contrôle. C'est ça, l'énergie de l'âme. Bon, Greg, là, c'est un mouvement, là. Okay. Ça a pas duré 10 minutes. C'était 3 secondes. Mais. Ça, là, vous avez fait, vous dites, il n'y a pas de vibration. Mais c'est pas, ça ne tient pas compte de votre environnement, ça tient compte juste de ce qui se passe dans vous. Bon, ça, c'est parce que j'essaie d'expliquer quelque chose. Oui, c'est graphique. J'essaie d'expliquer le principe que dans une conscience mentale qui contrôle son énergie, c'est pas l'émotion qui rentre en jeu. Mm-hmm. J'aurais pu le faire, j'aurais pu pas le faire. Mm-hmm. Tandis que si ça avait été d'émotion, peut-être que je l'aurais fait malgré moi-même. Mais si on projette ça dans la vie de tous les jours, c'est notre émotivité qui fait la gestion de notre de cette énergie-là, à ce moment-là, mais c'est là qu'on a envie d'expérience. Ben, quand c'est émotif, là, ça peut durer, là, ça va être le vert, après ça, c'est le beau. C'est l'émotif, c'est astral. Bon, ça s'arrête pas avec l'émotif. Là, ça crée des conséquences. Okay. Parce que t'as pas l'intelligence de ton mouvement quand t'es dans l'émotion. Dans le mental, t'as l'intelligence de ton mouvement. Tu peux expliquer pourquoi tu le fais. Tu peux dire, bon, tu peux le comprendre, ton mouvement. Quand tu as l'émotion, ça fait pas partie de l'expérience. Bon, mais quand vous avez la vibration, là, ça vous a pas dit que ça va faire ça, là? Non, plus maintenant. Il y a 20 des années, ça m'aurait dit ça. Il y a 20 des années, ça m'aurait dit, dans 20 minutes, tu vas créer un choc. Là, ma main serait partie seule. Mais maintenant, je suis tout habitué à ça, fait que je le contrôle l'énergie. Mais quand je le fais parce que